On va avoir du fun ensemble. On a un party à Noël. Y en a-tu qui viennent? Ah, c'est le fun.